Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les archives secrètes de la Seconde Guerre mondiale, c'est le grand sujet d'un numéro spécial d'Historia actuellement en kiosque. Le numéro est daté de janvier-février 2017. De quoi donner des idées à Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous avons feuilleté ce numéro spécial avec beaucoup d'intérêt et nous avons relevé, quand je dis on, c'est toute l'équipe, bien sûr, nous avons relevé parmi bien des articles étonnants le cas du général Didley, attaché militaire à l'ambassade de France à Berlin en 1938. Ce qui s'appelle se trouver au bon endroit au bon moment, ou si vous préférez au mauvais endroit au mauvais moment, c'est affaire de point de vue. Je vais vous parler dans un instant de cet informateur de l'état-major et du gouvernement français. Et vous avez invité l'auteur de l'article, Nicolas Texier, ainsi que Frédéric Keguineur du service historique de la défense. Oui, Frédéric Keguineur, en compagnie de qui nous irons explorer les trésors cachés de ces impressionnants fonds d'archives les plus importants de France, avec les archives diplomatiques en dehors des archives nationales bien sûr. Et je dois vous le dire, Anissa, pour moi, il est tout sauf neutre de recevoir un membre du service historique de la défense, parce que, vous le savez peut-être, j'ai fait mes premiers pas d'historien au sein de cet auguste service au château de Vincennes. À l'époque, il existait encore 3 services historiques, un par armée, et pour ma part, j'œuvrais au sein du service historique de l'armée de l'air. Vous revenez donc, si je comprends bien, cet après-midi à vos premières amours. On y revient toujours, finalement, c'est ça qui est étonnant. Il est rare que j'aie l'occasion de parler de mes débuts dans le métier. Je travaillais à l'époque, c'était, oh là là, il y a près d'un quart de siècle, sous l'égide du général Robineau, puis du général Sylvestre de Sacy, au bureau d'histoire orale du Chat, fondé par Françoise de Ruffray. C'est vous dire si je suis heureux que mon ancienne collègue Françoise ait accepté de se joindre à nous cet après-midi. Alors, avec elle, nous allons évoquer ce haut lieu de la recherche historique en France, en même temps que le cadre dont il est inséparable, le magnifique château de Vincennes, celui de Saint-Louis, de Philippe le Bel, et de Charles V, celui aussi de Mazarin, du marquis de Sade et du pauvre duc d'Enghien. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Novembre 1938, la date est très importante. 2 personnalités arrivent au Berghof, la résidence d'Adolf Hitler près de Berchtesgaden dans les Alpes bavaroises. C'est là que le Führer a l'habitude de recevoir les invités qu'il veut séduire ou qu'il veut honorer. Les 2 hommes, emmitouflés dans de longs manteaux, il fait très mauvais en ce mois de novembre 38, les 2 hommes sont conduits jusqu'à la résidence du chancelier par tout un relais de soldats en grand uniforme noir. Ils passent une série de contrôles. L'un des 2 a le regard vif, les lèvres fermées. Ses cheveux blancs par endroits sont coiffés en arrière. Il porte plusieurs décorations. Il parle un allemand impeccable, bien qu'il soit français. Ce militaire, car c'en est un, porte le grade de général de brigade. Il s'appelle Didley. Il accompagne le nouvel ambassadeur de France, remplaçant le célèbre André-François Poncet en ces lendemains des accords de Munich, Robert Coulondre. C'était le nom de notre ambassadeur. Didley va écrire quelques jours plus tard dans une note adressée à la chancellerie, je le cite, « On monte vers le haut lieu où réside le Dieu entouré de ses anges noirs, c'est-à-dire de tous les hommes jeunes, beaux et vêtus en SS qui rendent les honneurs, prennent la garde, remplissent tous les offices et assurent tous les services dans cet étrange monastère. » De tout cela se dégage l'impression que le Führer vit dans une atmosphère qui est faite pour lui et uniquement pour lui, c'est-à-dire non transmissible et symbolisant en quelque sorte le fait que là s'accomplit une œuvre destinée peut-être à être maintenue par d'autres hommes habitant ailleurs et autrement, mais devant en tout cas être terminée du vivant de son promoteur. C'est une des idées forces d'ailleurs que reprendra presque constamment Didley dans les différentes notes qu'il adresse à ses interlocuteurs. Nos 2 diplomates croisent en route l'ambassadeur du Japon et son attaché militaire, accompagnés par 2 gardes. Eux-mêmes étaient venus présenter à Hitler des lettres de créance signées de l'empereur Hirohito. Alors, l'audience accordée par Hitler à l'ambassadeur Coulondre et au général Didley, attaché militaire, est presque expédiée. Didley note avec toujours la même clarté « Hitler a l'air d'un homme discret ».

tous ceux qui veulent voir rouvrir ce bel endroit. Même chose pour la salle ovale du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, qui attend votre générosité, là, tout simplement. Et puis, nous parlions il y a quelques jours, à propos à l'occasion d'une balade en Sologne, nous parlions de la briqueterie de Marcilly en Villette. Mmh. Cette briqueterie perdue dans la forêt, cet endroit extraordinaire du patrimoine industriel. Voilà, des lieux qui attendent votre générosité, votre mobilisation. En dehors, d'ailleurs, on ne demande pas forcément de l'argent, on demande des bonnes volontés, tout simplement. D'ailleurs, vous retrouvez toutes les infos concernant cette partie patrimoine de 15h à 15h30 sur la page Facebook, bien sûr, au cœur de l'histoire, sur laquelle vous pouvez vous aussi poster vos photos, vos idées de balade dans les régions que vous aimez. Quel plaisir d'entendre parler d'archives, nous dit Patricia, surtout quand c'est son métier. Et elle nous dit, pour donner un exemple, que dans un fonds d'archives d'une petite commune de 3000 habitants, elle avait retrouvé une lettre émouvante datée de 1937 et traduite en français d'un Allemand venu en France qui écrivait au maire donc du village que dans son pays, les communistes, les opposants politiques, etc. étaient emprisonnés. Et déjà, nous dit-elle, ce monsieur parlait de camps de concentration en 1937. Vous voyez, et elle conclut, bonne émission archivistique. Toujours intéressant, Frédéric Aguineur, d'expliquer au public que les archives, ce ne sont pas seulement des kilomètres linéaires de documents un peu poussiéreux en apparence, c'est de la vie en boîte, si je puis dire. Ce sont des éléments qui nous permettent de revivre le passé, de le comprendre. C'est l'histoire, les archives, en vérité. Oui, tout à fait, malgré parfois leur caractère peut-être un peu abrupt. Derrière des documents administratifs se cachent des histoires, d'hommes, de femmes qui se sont engagés. Ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, c'est parfois des histoires tragiques, des histoires de résistants. Parfois, c'est des histoires de traîtrise pour des collaborateurs. Donc, effectivement, travailler dans les archives, les consulter, c'est toujours quelque part un peu émouvant, puisque on a comme ça des bribes de vie qui s'affichent devant nous. Alors, il y a au service historique de la Défense non seulement des archives, mais il y a de très importants fonds documentaires, des bibliothèques extraordinaires. Il y a des photothèques aussi, il faut le dire, Françoise de Ruffray. Oui, il y a des photothèques très importantes. Alors, autrefois, il y avait 3 photothèques pour les 3 services. Oui, c'est pour ça que j'en parle encore au pluriel. Voilà. Maintenant, tout ça a été fondu. Elles ont été regroupées et la photothèque, enfin, je ne suis pas spécialiste de photos, mais elle est très, très importante et ouverte au public. C'est ça ce qu'il faut bien dire, puisqu'on peut aller consulter les photos et en obtenir des reproductions. C'est ce qu'il faut dire, c'est que ce service historique de la Défense reçoit des lecteurs, c'est-à-dire des chercheurs, qu'ils soient professionnels ou non professionnels, et que d'une manière générale, il reçoit le public. On est bienvenu quand on vient à Vincennes, on peut dire ça, Nicolas Texier. Absolument, absolument. on est accueilli donc dans ces lieux qui, au départ, sont des lieux historiques. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire du château de Vincennes, qui était en quelque sorte le refuge ultime des rois de France, dans l'est de Paris. On était à l'époque assez loin de la capitale. On pouvait sortir du faubourg Saint-Antoine par l'énorme forteresse de la Bastille, dont je me rappelle très bien une conférence de Jean Favier qui nous expliquait que les défenses de la Bastille étaient tournées non pas vers l'extérieur de Paris, mais bien vers l'intérieur, vers le faubourg, pour protéger la fuite éventuelle de la famille royale vers Vincennes. Vincennes où est né, où est mort le roi Philippe le Bel. C'était donc une des grandes résidences médiévales, totalement remaniée par Charles V, avec ce donjon impressionnant, ses grandes murailles. On y a construit par la suite la Sainte-Chapelle, qui est un véritable joyau et qu'on ne connaît pas assez, je crois. C'est un chef-d'œuvre du gothique flamboyant. Elle est en réfection en ce moment, je crois. Ça fait longtemps qu'on la restaure, mais on va finir par arriver au bout, bien entendu. Le château de Vincennes a conservé ses fossés, ses murs, ses tours d'enceinte, ses poternes. On peut y entrer soit par le nord, version médiévale, si je puis dire, soit par le sud. Et là, d'ailleurs, il y a tout le site des fouilles du manoir de Saint-Louis qui se trouvait dans la première cour quand on entre par la poterne nord. Et puis, par le sud, totalement remanié au XVIIe siècle à la demande de d'Anne d'Autriche et de Mazarin, avec le pavillon du roi, le pavillon de la reine. Donc quand vous entrez depuis le sud par l'esplanade du château de Vincennes, vous avez à main droite le pavillon de la reine, où se trouvait l'ancien service historique de la marine. Tout ça maintenant fait partie du même service, hein, bien sûr. Et à main gauche, le pavillon du roi, où le général de Gaulle, à une époque, avait l'intention de venir s'installer. D'ailleurs, il avait demandé à André Malraux d'étudier la possibilité d'installer là la présidence de la République. Oui, pareil, oui. Mais je ne crois pas qu'il y soit venu très souvent. Ce sont seulement des travaux qui ont été des travaux préparatoires, en quelque sorte. Hein. Il faut dire que le pavillon du roi est très spectaculaire, avec des décors qui sont majestueux et qui permettent d'autant mieux d'accueillir les visiteurs. Alors, dans un instant, si vous le voulez, ce que nous allons faire, c'est visiter le service historique de la Défense en tant que tel. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Extrait des Canons de Navarone, un extrait de la bande originale du film interprété par le Symphonia of London. C'est une visite très étonnante que vous nous proposez cet après-midi jusqu'à 15h30. Franck Ferrand, vous nous proposez de découvrir le service historique de la Défense à Vincennes. Il y a un aspect du château de Vincennes que je n'ai pas évoqué. Alors, j'ai très peu parlé du donjon, entre parenthèses, oui. Hein, qui est très spectaculaire et qui nous donne aujourd'hui une image assez juste, puisque nous sommes à la même époque de grands chantiers royaux du règne de Charles V, nous donne une idée assez juste de ce que devaient être les grandes tours de la Bastille. D'ailleurs, quand on tourne aujourd'hui des films sur la Bastille, 9 fois sur 10, on va s'installer au donjon de Vincennes. Je me rappelle qu'à l'époque où je travaillais, moi, alors nous étions dans les casemates nord, hein, le service historique de l'armée de l'air, avec des bureaux à voûte extraordinaires, hein, avec des croisées d'ogives, enfin tout ça était très spectaculaire. C'est le plus beau bureau que j'ai jamais eu. À côté de celui d'Europe 1 est bien triste à côté, hein, je peux vous dire, ça n'a oui, rien à voir. C'est plus modeste. C'est plus modeste, incontestablement. Mais je me rappelle qu'à l'époque, nous étions constamment assaillis, non seulement de touristes qui viennent visiter le château de Vincennes, c'est bien naturel, mais d'équipes de cinéma, justement, hein, parce qu'il y avait des tournages presque en permanence. C'est toujours le cas actuellement depuis. Je pense qu'il y a toujours des tournages, en tout cas pour la télévision. Le cinéma, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu énormément de films qui ont été tournés là. Notamment au moment du bicentenaire de la Révolution. Puis alors, tous les événements qu'on veut évoquer. Je parlais tout à l'heure du Marquis de Sade. Lorsqu'on évoque l'affaire des poisons, par exemple, il faut savoir que la quasi-totalité des prisonniers d'État de l'affaire des poisons sont passés par le château de Vincennes. Et puis, bien sûr, c'est là qu'a lieu cet épisode très célèbre du printemps 1804. L'exécution dans les fossés du château du duc d'Enghien, l'héritier du prince de Condé, et qui est donc sacrifié, si l'on peut dire, par le premier consul en passe de devenir empereur. Ça nous entraînerait ailleurs. Il y a donc un endroit que nous n'avons pas visité du tout, parce qu'il est souterrain, mais qu'il faut mentionner, puisqu'on parlait du général Gamelin il y a un instant, c'est le PC Gamelin, Françoise de Ruffray. Oui, alors le PC Gamelin, il se situe entre le pavillon du roi et le pavillon de la reine. Donc sous terre. Sous terre, sous la grande pelouse. Et c'est là que le général Gamelin avait installé donc son QG en 39-40. Et maintenant, il est occupé par des archives, et notamment par les archives les plus consultées. Donc, puisqu'on est très près de la salle de lecture qui se situe dans le pavillon du roi, donc là sont stockés notamment des dossiers de personnel, des dossiers concernant la guerre d'Indochine, enfin beaucoup. Évidemment, l'état-major du général Gamelin, ça ne fait pas rêver grand monde, et on comprend qu'on n'est pas fait comme les Anglais avec le PC de Churchill, qui est devenu un des plus beaux musées d'histoire militaire et diplomatique du monde. Mais là, nous ne l'exploitons pas ou très peu, parce qu'on n'est pas très fiers finalement de cette mémoire de Gamelin et de ses positions défensives, Nicolas Texier. Ce qui est un peu symptomatique en plus, c'est qu'il n'était pas près du front, mais qu'il était à Vincennes. Ça lui permettait en plus d'être beaucoup plus en relation avec les parlementaires français, en l'occurrence de la Troisième République, qu'avec les gens qui étaient pourtant stationnés longtemps sans rien faire sur les lignes Maginot et sur les frontières belges. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de nos auditeurs qui seraient en possession d'archives, pourquoi pas, et qui peuvent donc s'adresser, bien entendu, d'archives militaires militaires ou liés à l'histoire des conflits, qui peuvent donc s'adresser au service historique de la défense. Imaginons que je sois un simple amateur d'histoire, un curieux, un auditeur d'Au cœur de l'histoire. J'arrive par la ligne 1 au château de Vincennes. J'entre donc par le nord dans l'enceinte du château. Françoise, à qui dois-je m'adresser? Où vais-je, si je puis dire? Où cours-je? Bien, écoutez, on vous dirige à l'entrée vers le fond du château, c'est-à-dire vers le pavillon du roi, où se situe l'accueil. Donc, tout à fait au fond à droite, en fait. Voilà, où se situe l'accueil des chercheurs. Et là, on peut se faire faire une carte de lecteur et on a accès à la salle des inventaires. Où là, on est accueilli par des gens qui peuvent vous aider, oui, voilà, bien sûr, des gens qui vous guident suivant la recherche que vous effectuez et qui vont vous guider vers des inventaires. Alors, il y a des inventaires papier, mais aussi beaucoup d'inventaires qui sont numérisés. Tout n'est pas numérisé, mais enfin une bonne partie, je crois, maintenant. Ce qui fait que l'accès est assez facile. Et voilà. Alors, le service historique, les services historiques ont fusionné en 2005. Moi, je ne travaillais plus à l'époque au service historique depuis longtemps, mais je me rappelle que ça a fait beaucoup de bruit, bien entendu, comme à chaque fois qu'il y a une fusion, ou que ce soit, c'est la même chose dans le privé, hein. On a eu très peur, et puis finalement, on a constitué un instrument de recherche et d'études, à mon avis, très efficace, grâce à ce service SHD unifié. Bah écoutez, oui, l'unification s'est faite lentement, parce que c'était compliqué, mais elle s'est faite peu à peu. Il a fallu fusionner les bibliothèques, les photothèques, la symbolique, enfin différents services. Que toutes ces armes qui n'ont pas forcément l'habitude de dialoguer se mettent à travailler ensemble. Voilà. En soi, c'est tout un programme. Il y a toute la symbolique, il ne faut pas oublier oui, ça, hein, c'est important. C'est une partie très importante, puisque c'est là que sont conservés tous les drapeaux, les fanions, tous les objets militaires. Il y a des coupes, enfin des différents objets, et c'est une partie très importante. Les historiens militaires sont des gens souvent très discrets. Nous en recevons un certain nombre qui sont des habitués de cette émission. Évidemment, ce ne sont pas les plus flamboyants des historiens, parce que souvent, ce sont des gens un peu discrets, comme ça, très très réservés. Vous avez toutes sortes de lecteurs. Je me rappelle que à l'époque où moi je travaillais avec vous, Françoise, nous recevions souvent la visite d'un certain Pierre Miquel qui débarquait dans son immense voiture américaine. Vous vous rappelez? On aurait cru un film. C'était invraisemblable. Et il venait chercher lui de la matière utile pour ses livres. Par exemple. Oui, et il venait chercher aussi bien des archives écrites que des archives orales, puisqu'il est venu très souvent chez nous. Très souvent, oui, bien sûr. Écouter des témoignages, que ce soit sur 14-18 ou sur la Seconde Guerre. Alors, je m'en voudrais de laisser penser à nos auditeurs que le service historique de la Défense, ce n'est que le château de Vincennes. Il faut expliquer ça, Frédéric Eguiner, en fait. Oui, effectivement. Alors, on pense château de Vincennes pour le service historique de la Défense, mais le service historique de la Défense, c'est aujourd'hui 10 implantations. Sur l'ensemble du territoire national. C'est plus de 400 kilomètres linéaires d'archives. 400 kilomètres. Tout à fait. C'est la première bibliothèque en histoire militaire en Europe. C'est, vous le rappeliez, des collections de symbolique. Et il faudrait bien préciser que le service historique de la Défense, aujourd'hui... Quand on dit symbolique, c'est tout ce qui reste des régiments, notamment en termes de drapeaux, pas seulement, mais tous les insignes, etc. Tout ce qui relève du décorum de l'armée, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, donc, l'action du service historique de la Défense s'inscrit complètement dans la politique culturelle du ministère de la Défense. Il ne faut pas oublier que le ministère de la Défense est le second acteur culturel de l'État, dont les missions... sont définis par ce qu'on appelle la direction de la mémoire du patrimoine et des archives, qui est donc une direction du ministère de la Défense, qui a en charge, comme son nom l'indique, la politique des archives, mais s'occupe aussi de l'entretien des hauts lieux de la mémoire nationale, s'occupe des nécropoles, s'occupe de l'action pédagogique, etc., etc. Et il faut saluer aussi dans ce registre le travail du Souvenir français. Je le fais très régulièrement parce que ce sont des gens bénévoles qui font un travail magnifique et qui viennent en quelque sorte aider eux aussi au souvenir des armes françaises et de toutes ces batailles qui ont fait notre histoire. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Cypri. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec aujourd'hui une visite du service historique de la Défense à Vincennes, visite très étonnante avec vos invités, Françoise de Ruffray, Frédéric Eguiner et Nicolas Texier. Ce service historique de la Défense a pour site principal le château de Vincennes, bien entendu. Ce château de Vincennes, incroyablement historique. Il faut aller visiter le château. En dehors même, à la limite, imaginons que l'histoire oui. militaire vous intéresse pas, que vous n'ayez pas l'intention d'aller visiter les archives. Ou demander des communications d'un certain nombre de documents. En tout cas, allez voir le château en tant que tel. Allez vous plonger dans cette espèce de conservatoire de l'architecture française du milieu du Moyen-Âge jusqu'à l'époque classique, puisque, encore une fois, les deux bâtiments principaux, le bâtiment du roi et le pavillon du roi et le pavillon de la reine sont de la plus pure eau du grand siècle, hein. C'est de l'architecture classique dans ce que ça a de plus majestueux et de plus superbe. Je m'en voudrais, Françoise, que nous achevions cette toute première émission qu'en 15 ans je consacre au service historique de la Défense, sans mettre en avant ce qui a été notre spécialité, la vôtre et la mienne, bien entendu, la nôtre, si je puis dire, oui. C'est-à-dire cette histoire orale. Combien de témoins, pour ce qui est de l'armée de l'air, combien de témoins sont venus parler? Alors, pour l'armée de l'air, 970 personnes. C'est considérable. Oui, c'est considérable. Il y a de tout petits témoignages qui font trois quarts d'heure. Absolument. Il y en a de plus long, celui du général Brohon, par exemple. Voilà, qui fait 145 heures. C'est le Marcel Proust de l'histoire orale. Voilà, en plusieurs séances, bien entendu. Oh oui, un grand nombre. Un témoignage absolument passionnant. Oui, qui est une sorte de commentaire général sur la vie, non seulement militaire, mais politique, absolument, de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est tout à fait extraordinaire. Tout ça est sur quel type de support? Alors, toutes ces interviews ont été numérisées. Donc, c'est très facile d'accès. Il y a des inventaires avec le contenu de chaque interview. Donc, suivant les thèmes abordés, on s'y retrouve très rapidement dans ces interviews. Oui, c'est-à-dire qu'on peut, il y a des time codes, nous avons des inventaires qu'on appelle chronothématiques, c'est-à-dire qui suivent le déroulé de l'interview tout en développant les thèmes abordés. Il est possible que certains invités reviennent plusieurs fois sur le même thème à plusieurs séances d'écart, bien sûr. Est assez intéressant dans cette affaire d'histoire orale, c'est la côte mal taillée entre histoire et mémoire. Et nous avons souvent eu l'occasion, nous qui avions sous les yeux les feuilles de service, comment appelle-t-on ça, les états de service. Des différents militaires, de voir que entre ce que nous disent les archives et ce que leur rappelle leur mémoire, parfois peuvent se glisser de très grandes variantes. Hein, et c'est très intéressant d'ailleurs de travailler sur cette recréation par la mémoire d'une réalité qui finalement est très très très sujette à caution, il faut le dire aussi. Absolument, parce que le témoignage est complètement subjectif par essence, donc, mais extrêmement riche de tout ce qui n'est pas dans les archives écrites justement. On avait coutume de dire les paroles s'envolent, les écrits restent, hein, verba volant, scripta manent. Eh bien, en l'occurrence, grâce aux archives orales, et il n'y a pas seulement celles de l'armée de l'air ou des armées d'une façon plus générale, il y a des archives orales maintenant dans un très grand nombre d'institutions, il faut le dire. Mmh. On avait fait d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, une enquête nationale sur l'ensemble des fonds d'archives orales à travers la France. Il y en a beaucoup. Grâce à ces fonds d'archives orales, aujourd'hui, les paroles restent, elles aussi. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous parler du service historique de la Défense et du château de Vincennes. Vous avez prouvé, en quelque sorte, et c'est le principe même de ce numéro spécial d'Historia sur les archives secrètes de la Seconde Guerre mondiale, vous nous avez prouvé qu'on pouvait être archiviste et passionné.